طيب طيب طيب إن شاء الله. Donc on va commencer au sujet des questions. Il y a une sœur qui a envoyé des questions. Donc qu'est-ce que je vais faire, Inch'Allah? J'ai lu les trois questions. Et qu'est-ce que je vais faire, Inch'Allah? Je vais les garder avec moi, je vais les amener avec moi. Et puis, au prochain cours, Inch'Allah, je vais répondre à ces trois questions. Comme ça, c'est mieux. Ok? Comme ça, je vais pouvoir vraiment répondre avec clarification détaillée et explication. Puis, Inch'Allah, si c'est possible, même de ramener des paroles des ulama à ce sujet-là, ou bien même de poser la question à des chouyours pendant la semaine. Comme ça, la réponse sera plus claire. Inch'Allah. Donc, si jamais vous avez des questions comme ça, Inch'Allah, vous pouvez les amener par écrit, comme ça, puis me les donner. Si je peux répondre sur le champ maintenant directement, Inch'Allah, je vais essayer de répondre selon qu'est-ce que je sais, puis par rapport aux preuves et aux explications des chouyours. Si c'est pas possible, donc je les ramène avec moi, puis je fais les recherches, je pose les questions et je reviens avec la réponse la semaine d'après. D'accord? Donc, on va faire ça comme ça, Inch'Allah. Donc, on commence, Inch'Allah, Bismillah. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم دونك الحمد لله. On commence le cours numéro 42 aujourd'hui. Juste avant de commencer, il y a juste un point que j'aimerais... c'est pas 40, est-ce que c'est 42? C'est 32, pardon. Donc on commence le cours 32 aujourd'hui. Et juste avant de commencer, ah oui, j'ai reçu un appel hier d'un frère salafi d'Haïti qui m'a appelé d'Haïti directement. Et qui, ça fait un bout de temps que j'avais contact avec lui par email. Et lui, il étudie maintenant en Guyane. Donc, il m'a contacté par email plusieurs fois. Mais je lui avais envoyé mon numéro de téléphone il y a longtemps. Mais hier, c'est la première fois qu'il m'avait téléphoné. Donc, alhamdoulilah, je suis très content parce que ça fait longtemps que j'essaie d'avoir un contact avec des frères Yanni de confiance en Haïti qui peuvent, avec qui je pourrais contacter pour avoir des informations, puis avec qui je pourrais envoyer aussi des choses aussi si c'est nécessaire d'envoyer des choses là-bas. Donc alhamdoulillah, j'étais très content. Et puis là, le frère, il va retourner continuer ses études en Guyane, puis entre-temps, donc on continue les relations, puis les contacts. Il m'a parlé de certaines communautés en Haïti, dans plusieurs petites villes. Il y a des communautés, il y a des mosquées, il y a des endroits où il y a des mosquées, et il y a des petites communautés. Il y a des endroits où il y a des communautés de musulmans, mais il n'y a pas encore de mosquées là-bas. Il prie dans des maisons ou des choses comme ça. Donc il me dit qu'il est allé visiter plusieurs groupes de musulmans dans différentes villes. Alhamdoulilah, Yanni, c'était très intéressant, Yanni, de parler un peu avec lui. Donc, au fur et à mesure que j'aurai plus de renseignements, comme ça, je vais pouvoir, Inch'Allah, vous informer. Puis, on ne sait jamais dans l'avenir qu'est-ce qui pourrait se passer, Inch'Allah, mais on va essayer de collaborer, puis de faire qu'est-ce qu'on peut pour aider la cause, Inch'Allah, de la propagation de la da'wah, inshallah, en Haïti. Ayant dit ça, donc on va continuer avec notre dars. On a commencé hier le deuxième degré. Le deuxième degré de la religion, c'est al-iman. Et on a expliqué que la foi, al-iman, elle a plusieurs branches. On a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi, elle est composée d'environ 70 et quelques branches, comme c'est mentionné dans le hadith authentique rapporté par al-Bukhari et Muslim. Parmi ces branches, il y en a qui sont des paroles, il y en a qui sont des actions, il y en a qui sont des croyances du cœur. Maintenant, on va parler maintenant des piliers de la foi. Et on a vu hier qu'il y a des branches, et maintenant on va voir qu'il y a des piliers dans la foi. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit: قال واركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. C'est-à-dire que les piliers de l'islam sont de 6. C'est de croire, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour de la résurrection, au jour dernier, de croire en la prédestination, en ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Donc il faut croire en tout ça. Le Cheikh Al-Fawzan, il commence donc l'explication de ce point-là avec une question. Il dit: Al-Iman yatakawwanu min arkanin wa shu'ab, fama al-farq baynahuma? Donc la foi, elle se compose en piliers et en branches. Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre les piliers de la foi et les branches de la foi? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh, il répond. Il dit: Al-farq anna al-arkan la budda minha. فإذا زال واحد منها زال الإيمان لأن الشيء لا يقوم إلا على أركانه فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق أما الشعب فإنها مكملات لا يزول الإيمان بزوال الشيء منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يزول الإيمان بزوال الشيء منها لكنها مكملات إما واجبات أو مستحبات فالواجبات لكمال الإيمان الواجب والمستحبات لكمال الإيمان المستحب. Donc, qu'est-ce que c'est la réponse à cette question? Il dit que la différence entre les piliers et les branches de la foi, c'est que les piliers, ils sont nécessaires absolument. Si tu perds un pilier, tu perds la foi au complet, parce que les piliers, c'est ce qui retient le reste. C'est ce qui soutient le reste. Donc, si tu perds un pilier, eh bien, tu n'as rien réalisé de la foi. C'est comme, par exemple, la mosquée, par exemple. Elle est soutenue par des piliers. Hein? Il y a la fondation, puis il y a les piliers. Donc, si les piliers se brisent, eh bien, il n'y a plus de mosquée, parce que le toit, il va tomber. Hein? Et la fondation, si elle tient pas non plus, c'est la même chose. Tout va s'écrouler. Donc il n'y a plus rien qui peut tenir. Tandis que les branches, eh bien, c'est des choses qui viennent compléter la foi. Mais elle peut quand même exister sans ces branches-là. Hein? Ou même si elle en perd quelques-unes, ça ne veut pas dire que la foi va disparaître au complet. Mais elles viennent compléter et parfaire la foi. Il y a parmi les choses qui viennent compléter la foi des choses qui sont obligatoires. Il y a parmi les choses qui viennent compléter la foi des choses qui sont recommandées. Donc il y a les choses obligatoires, il y a les choses recommandées parmi les branches. Donc qu'est-ce qui est obligatoire? C'est pour compléter la foi obligatoire. Et qu'est-ce qui est recommandé? C'est pour compléter la foi qui est recommandée. D'accord? Donc on a compris maintenant la différence entre les piliers et les branches. D'accord? فَإِذَا تَرَكَ الْمُسْلِمُ شَيْئًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فإنه لا يزول إيمانه بالكلية عند أهل السنة والجماعة ولكن يزول كماله الواجب فيكون ناقص الإيمان أو فاسقا كما لو شرب الخمر أو سرق أو زنى أو فعل شيئا من الكبائر هذا يكون فاعلا لمحرم هذا يكون فاعلا لمحرم وكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر بذلك ولا يخرج من الإيمان بل يكون فاسقا ويقام عليه الحد وإن كانت المعصية ذات حد إن كانت المعصية ذات حد للشيخ on lui a posé la question plutôt il explique si le musulman abandonne des choses obligatoires ou si il fait des choses haram alors sa foi elle ne disparaît pas au complet sa foi elle ne disparaît pas au complet c'est يعني, la, disons la perfection obligatoire qui diminue mais c'est pas la foi au complet qui diminue et ça c'est selon la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah parce qu'il y a des gens de Bid'ah qui ont une autre position à ce sujet là parmi les gens de Bid'ah comme les, par exemple les Khawarij les Mu'tazila si tu fais un grand péché pour eux tu sors complètement de la foi pour eux après ça t'as plus de foi du tout tu deviens kafir ou bien si c'est les Mu'tazila ils vont dire tu deviens pas kafir mais tu sors de la foi t'es ni kafir ni musulman t'es entre les deux ils ont inventé cette nouvelle cette innovation là cette bid'ah de dire que entre la mécréance et la foi il y a un intermédiaire un état intermédiaire donc ça c'est une autre innovation qu'ils ont inventée donc le cheikh il dit par contre celui qui commet des grands péchés parmi les croyants parmi les musulmans on va dire de lui qu'il est un musulman qui a la foi faible et qu'il est fasiq, c'est-à-dire qu'il est pécheur. Comme par exemple, si quelqu'un, un musulman, boit de l'alcool, est-ce qu'il sort de la foi? Il devient mécréant parce qu'il boit de l'alcool? Non. On dit de lui que c'est un musulman, mais qu'il a la foi faible. Ou bien qu'il est pécheur. Ou bien un musulman qui vole, ou qui fait le zina, ou qui fait un autre parmi les grands péchés, on va pas dire de lui qu'il est kafir parce qu'il a fait ça. On va dire de lui qu'il est un musulman, mais qui a la foi faible. Hein? Un musulman qui est pécheur. Donc, il a fait un grand péché parmi les grands péchés, mais ça ne le rend pas mécréant, ça ne fait pas de lui un kafir, et il ne sort pas de la foi à cause de ça, mais il est un pécheur, et si c'est un péché qui nécessite qu'une peine soit appliquée, alors dans ce cas-là, cette peine-là va être appliquée sur lui. Comme par exemple, si quelqu'un a commis un péché qui nécessite une peine comme l'adultère, eh bien, on va appliquer sur lui la peine de l'adultère, hein, qui est la lapidation. S'il a fait la fornication, on va appliquer sur lui la peine de la fornication. S'il a bu de l'alcool, on va appliquer sur lui la peine pour celui qui est ivre. S'il a volé, on va appliquer sur lui la peine pour celui qui a volé, c'est-à-dire lui couper la main. Et ainsi de suite. Bien entendu, dans un pays musulman, et c'est sous l'ordre du dirigeant que ces choses-là sont appliquées, après que la personne a été jugée dans un tribunal devant un juge. Donc ça, c'est dans un pays musulman. Ensuite, le cheikh il dit وَكَذَلِكَ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا كَمَنْ تَرَكَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ أَوْ صِلَةِ الْقَرَابَةِ هَذِهِ وَاجِبَاتِ فَمَنْ تَرَكَهَا نَقَصَ إِيمَانُهُ وَكَانَ عَاصِيًا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ فَيَكُونُ عَاصِيًا إِمَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَإِمَّا بِفِعْلِ مُحَرَّمِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِيمَانِ وَإِنَّمَا يَكُونُ مُؤْمِنًا نَاقِصُ الْإِيمَانِ Donc le cheikh, on lui a posé, le cheikh il continue d'expliquer, il dit que de même que quelqu'un qui a abandonné quelque chose d'obligatoire comme par exemple le bon comportement et l'obéissance envers les parents, il a désobéi à ses parents ou il a un mauvais comportement envers ses parents, ça c'est une obligation, le fait qu'il ait abandonné ça ne veut pas dire qu'il devient kafir, il ne devient pas nécessairement mécréant. Sauf que c'est un mauvais musulman, un musulman qui est à la fois faible, hein, un musulman pécheur, ou bien qu'il a coupé les liens de parenté, il n'a pas respecté les liens de parenté. Eh bien, ça aussi c'est un exemple de mauvais comportement, il a abandonné qu'est-ce qui est obligatoire et donc il devient un pécheur. Hein? Il est toujours musulman, sauf qu'il a la foi faible, parce qu'il a abandonné quelque chose qui est obligatoire dans la foi. Donc, c'est un pécheur, parce qu'il a abandonné ce qui est obligatoire, et il est dans le péché pour avoir abandonné cette chose. Ou bien, si c'est le cas, comme on a mentionné tout à l'heure, de faire qu'est-ce qui est haram, eh bien, c'est la même chose. Il est pécheur parce qu'il a fait ce qui est haram. Donc, c'est de deux façons. Soit que tu as fait ce qui est haram, ou que tu as abandonné ce qui est wajib, obligatoire. Et dans les deux cas, la personne ne sort pas de la foi. Hein? Elle est un croyant, mais qui a la foi faible. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة فالخوارج يكفرونه ويخرجونه من الدين والمعتزلة يخرجونه من الدين لكن لا يدخلونه في الكفر وإنما يقولون هو في منزلة بين منزلتين وهو مؤمن لا هو مؤمن ولا كافر هذا مذهبهم وهو مذهب مبتدع مخالف للأدلة مخالف لما هو عليه أهل السنة والجماعة والسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال. Donc le cheikh il explique que ça c'est la position d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a par opposition aux Khawarij et aux Mu'tazila. Ceux qui déclarent quelqu'un qui commet un grand péché comme étant kafir. Donc pour les Mu'tazila et les Khawarij, celui qui fait un grand péché, il sort de la religion. Celui qui fait un grand péché, il sort de la religion. S'il voit quelqu'un qui boit de l'alcool, un musulman qui boit de l'alcool, il dit « Ah lui, ça y est, il est mécréant, c'est un kafir. Hein? » Il voit un musulman qui vole ou qui fait quelque chose qui est haram, dit, ah, ça, lui, ça y est, pour eux, lui c'est un kafir. Pour les khawarij, il le déclare kafir, il le fait sortir de la religion. Si c'est un mu'tazili, ils le font pas sortir, c'est-à-dire ils le font sortir de la religion, mais ils le font pas rentrer dans le coffre. Ils disent, il est entre les deux, entre la mécréance et la foi. Hein? Il n'est pas croyant, il n'est pas mécréant. Et entre les deux. Puis dans l'au-delà, ils disent qu'il va être éternellement dans l'enfer, comme les Khawarij. Donc ils se rejoignent dans le verdict au sujet de l'au-delà avec les Khawarij. Donc cette compréhension-là et cette interprétation-là, c'est une voie qui est innovée. C'est-à-dire, ça fait partie de la bid'ah. Pourquoi? Parce que c'est en opposition avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et ça contredit la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et la cause de ça, la raison pour laquelle ils sont tombés dans cette erreur de compréhension par rapport à la foi et par rapport à qu'est-ce qui fait baisser la foi et ainsi de suite. L'erreur, c'est parce que ils ont mal compris les preuves. Ils ont mal compris les textes du Coran et de la Sunna. الشيخ دي حيث أخذوا أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه من أدلة الوعد دلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة ومعرض للوعيد والعقوبة. Donc par exemple, une des raisons pourquoi les Khawarij et les Mu'tazila ont dévié par rapport à ces questions-là, c'est qu'ils ont pris uniquement les textes et les preuves de la menace du châtiment d'Allah. Et ils ont laissé de côté, ils ont délaissé les preuves au sujet de la promesse divine du pardon et de la miséricorde. D'accord? Donc, ils ont fait preuve d'extrémisme. Ils ont juste pris les textes de la menace. et ils ont laissé les textes qui parlent de la promesse divine. Comme par exemple le verset 48 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que ça à qui il veut. Ça c'est un texte qui fait partie des textes de la promesse divine. Puisque dans ce texte, dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il promet que quiconque meurt sans avoir commis de shirk, alors il sera au paradis. C'est ça que ça veut dire ce verset-là. Quiconque meurt sans avoir commis de shirk, eh bien, il sera au paradis. Soit directement, ou soit après un délai. Donc, le cheikh dit ça, c'est la preuve que le pécheur, parmi les musulmans, tant que son péché n'a pas atteint le degré du shirk et du kufr majeur, on peut toujours espérer pour lui le pardon, et il est toujours en même temps aussi sujet à la menace et au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi s'il a commis ces péchés-là. Donc le cheikh dit فَإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا مَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِهَا كَفَّرَ بِالْمَعَاصِي مُطْلَقًا وَإِنْ رَدَّهَا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ تبين له الحق وأنه لا يخرج من الدين ولكنه متوعد بالنار إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه فقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا أو عذاب في القبر تكفر هذه السيئات والمكفرات كثيرة يبتلى بمصائب يبتلى بعقوبات في الدنيا أو يعذب في قبره أو يؤجل إلى يوم القيامة ويكون تحت المشيئة. Donc le cheikh il dit, si tu prends les deux textes, le texte qu'on a mentionné, le verset 48 dans sourate An-Nisa, Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Donc ça c'est un verset, puis qu'on prend l'autre verset, le verset 23 dans sourate Al-Jinn. Le verset 23 dans sourate Al-Jinn, qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, et celui qui désobéit à Allah et à son messager, alors il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Quiconque désobéit à Allah et à son messager, alors il aura... il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Le cheikh il dit, si quelqu'un prend ce verset-là tout seul, dans son sens apparent, il va déclarer mécréant toute personne qui commet un péché de façon absolue. Parce que le verset dit, quiconque désobéit à Allah et à son messager, il aura le feu de l'enfer pour l'éternité. C'est-à-dire, tu fais n'importe quel péché, ça y est, tu vas être éternellement dans l'enfer. Et ça, c'est, on sait que c'est pas la position de Ahlus Sunnah al-Jama'a. Pourquoi? Parce que le Cheikh il dit, ce verset-là, on le prend pas tout seul. On le ramène aux autres versets dans le Coran qui viennent pour l'expliquer, le clarifier. Donc, quand on prend ce verset, par exemple, verset dans Surah Al-Jinn, quiconque désobéit à Allah et à son messager, alors il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. On le prend puis on le ramène à l'autre verset, dans Surat An-Nisa, le verset 48, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah certes ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché, qui est moindre, à qui il veut. Lorsqu'on ramène ces deux versets-là ensemble, là, on comprend la vérité. La vérité, maintenant, elle devient claire, que la personne qui a commis un péché, il ne sort pas de la religion, sauf qu'il est sous la menace de l'enfer. Si Allah veut, il va lui pardonner, et si Allah veut, il va le châtier, et c'est possible aussi qu'il ramène ou qu'il fasse des choses qui sont des expiations de ces péchés-là dans cette vie d'ici-bas, qui vont faire en sorte que la personne va être pardonnée. Ou bien, il se peut également qu'il ait un châtiment dans sa tombe qui va expier ces péchés-là aussi. c'est le verset 23 dans Suratul Jinn. Hein? Parce qu'il y a des khawarij, ils ont pris ce verset-là tel quel. Et ils ont vu, ils ont dit, par exemple, si quelqu'un tue, ça y est, il est kafir. Il y a, justement, pendant le mois de Ramadan, il y a un de ces takfiriens qui m'envoyait des questions comme ça. Il posait des questions, puis il voulait faire une discussion avec moi. Et puis, il posait des questions par rapport à ce que font certains dirigeants. Il dit qu'eux, ils tuent des personnes, ils tuent des gens, ils tuent des milliers de personnes. Et pour lui, le fait de tuer, pour lui, c'était kufr. Je lui ai ramené les preuves que le fait de tuer, c'est pas un acte de kufr, mais c'est un grand péché, parmi les grands péchés, et que celui qui le fait ne sont pas nécessairement de la foi. Hein? Comme par exemple, le hadith, il y a plein de preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna, le hadith de l'homme qui a, par exemple, tué 100 personnes. Et après, il est allé voir un adorateur, l'adorateur, il avait tué 99, après il a tué l'adorateur parce que l'adorateur lui a dit « Non, t'as pas de repentance. » Il a dit « Si, j'ai pas de repentance, que je te tue ou que je te tue pas, ça change rien. » Il l'a tué, ça a fait 100. Il est allé voir un savant, le savant, il lui a posé la question « Est-ce que j'ai une repentance ?» Il a dit « Oui, t'as une repentance. » Et il lui a indiqué comment se repentir. Donc, c'est pour montrer que la personne qui a commis un grand péché comme le meurtre, ça ne veut pas dire qu'il est mécréant pour ça. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant pour ça. Et il y a aussi beaucoup d'autres versets à ce sujet-là qui montrent que la personne qui a commis un crime ou qui a commis un meurtre, eh bien, il ne sort pas de l'islam, puisqu'il y a une peine, une punition dans l'islam pour le meurtre. Et que la personne qui a commis ce crime-là et sur lequel on applique la peine, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le laver, qu'on ne va pas faire la prière sur lui et qu'on ne va pas l'enterrer dans le cimetière des musulmans. Si il était mécréant, on ne l'enterrerait pas dans le cimetière des musulmans, on ne ferait pas la prière sur lui, hein, et ainsi de suite. Donc, il y a plein d'autres explications à ce sujet-là. Donc, c'est pour dire que la personne... elle se basait sur un verset dans le Coran qui est général, sans le ramener aux autres textes, comme le verset 48 dans Surat An-Nisa qui mentionne que, certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Et parmi ces péchés-là, qu'il pardonne à qui il veut, il y a le meurtre. Et les autres péchés aussi qui font partie des grands péchés. Donc le fait de dire que un dirigeant est mécréant parce qu'il a tué des gens ou des choses comme ça, ça c'est une fausse compréhension des textes de la religion. Et donc le chef il mentionne donc qu'il y a des choses qui peuvent, comme on a dit, faire en sorte qu'une personne, ses péchés soient expiés. Par exemple, comme on a dit, les sources d'expiation des péchés sont nombreuses, comme quelqu'un qui est éprouvé par un malheur. Éprouvé par un malheur dans le sens que quelqu'un de sa famille est mort. Ça a été une lourde épreuve pour lui. Ou bien, quelqu'un qui, par exemple, a été châtié dans cette vie d'ici-bas. Il a eu beaucoup de punitions. Ou bien, il a été châtié dans sa tombe. Ça efface ses péchés. Toutes ces choses-là effacent ses péchés. De même que, parfois, quelqu'un peut aussi ne pas avoir ses choses-là, par exemple, dans cette dunya, ou bien il peut ne pas avoir de châtiment dans sa tombe. Son châtiment est retardé jusqu'au jour de la résurrection. Puis, au jour de la résurrection, il est châtié. Et il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire que toutes ces choses-là peuvent faire en sorte qu'une personne, même si elle a commis des grands péchés, elle peut être pardonnée pour ces péchés-là par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, donc c'est la preuve et c'est l'explication que la personne n'est pas nécessairement garantie à l'enfer. Si elle a commis des grands péchés, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi que la personne peut être pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala et donc qu'elle ne sort pas de la foi. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وهذا هو الفرق بين الشعب والأركان فمن ترك شيئا من الأركان فإنه يكفر ومن جحد التوحيد وأشرك بالله عز وجل هذا يكفر لأنه ترك الركن الأول ومن جحد أحد الرسل يكفر لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام ومن جحد الملائكة يكفر يخرج من الملة ومن كفر بالبعث أو جحد الجنة والنار أو الصراط أو الميزان أو شيئا مما ثبت من أمور الآخرة فإنه بذلك يكفر لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان وكذلك من جحد القدر وقال الأمر أنف ولم يسبق قدر من الله إنما هي المصادفة والأمور بالصدفة وليس هناك قدر كما يقوله غلاة المعتزلة فإنه يكفر أيضا لأنه جحد القدر أما من ترك شيئا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه إما أن يكون نقصا لكماله الواجب أو نقصا لكماله المستحب لكنه لا يكفر بذلك. Donc, pour résumer la position de Ahlus Sunnah, il explique le cheikh que la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est qu'est-ce qu'on a expliqué. Et que c'est ce qu'on a expliqué également par rapport à la distinction entre les branches et les piliers. Donc, il faut comprendre la différence. Si quelqu'un a abandonné un pilier, ça c'est grave. Il sort de la foi complètement. Mais si quelqu'un a abandonné un pilier de la foi, là il sort de l'islam. Mais si quelqu'un a une branche qu'il a négligée ou qu'il a abandonnée, il ne sort pas nécessairement de la foi. Le cheikh il dit, celui qui abandonne quelque chose des piliers, il devient kafir. Comme par exemple, quelqu'un qui a rejeté ou renié le tawhid et qui a commis le shirk avec Allah, celui-là il devient kafir parce qu'il a abandonné le premier pilier de la foi. Celui qui a renié un des messagers, eh bien il devient mécréant, devient kafir. Celui qui a abandonné un pilier parmi les piliers de l'islam, comme par exemple celui qui a renié l'existence des anges, peut-être quelqu'un pourrait allumer la lumière parce qu'il commence à faire sombre. Donc, celui qui abandonne la foi en les anges ou qui rejette la foi en les anges, il sort de la religion complètement, devient kafir. Celui qui rejette la foi en la résurrection, celui qui rejette la foi en le paradis ou l'enfer, ou la foi en le pont qui va être mis sur l'enfer au jour de la résurrection, ou la balance, le fait que Allah va peser les œuvres des hommes. Parmi les choses qui ont été affirmées des aspects de l'au-delà, quelqu'un, il devient mécréant s'il abandonne ces choses-là, parce qu'il a abandonné un des piliers parmi les piliers de la foi. Parmi les exemples aussi, quelqu'un qui renie la prédestination et qui dit les choses se passent comme ça par hasard, il n'y a pas de prédestination qui a précédé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout se passe par coïncidence et par hasard. Celui qui dit ça, il n'a pas cru en le qadar. Comme par exemple les extrémistes parmi les Mu'tazila, ils nient la prédestination. Donc ceux-là, ils ont abandonné un des piliers de la foi. Ça, c'est quelque chose qui est kufr. La personne devient mécréante pour avoir abandonné le qadar, la foi en le qadar. En ce qui concerne celui qui a abandonné quelque chose des piliers, yarhamukallah, si quelqu'un a abandonné quelque chose des branches, alors ça fait diminuer sa foi. Soit que ça fait diminuer ce qui est obligatoire de la foi, ou soit que ça fait diminuer qu'est-ce qui est recommandé. Donc soit que ça fait diminuer la perfection obligatoire ou la perfection recommandée, mais la personne ne devient pas mécréante pour ça. Ça c'est un aspect de la foi qui est très très important à comprendre, parce que c'est la ligne qui va nous aider à comprendre la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a au sujet de la foi, et qui va nous sauver de l'extrémisme et de tomber dans le takfir. Le takfir sans preuve et sans compréhension. Donc ça c'est très dangereux. Ça se retrouve, on le retrouve maintenant beaucoup parmi les jeunes musulmans qui n'ont pas étudié la religion comme il faut, mais qui se précipitent à déclarer un tel ou un tel comme étant kafir pour des péchés qu'ils ont commis. Et ça c'est bien entendu de l'ignorance. Hein, tu vois maintenant des gens comme ça, ils disent ah, un tel il est injuste parmi les dirigeants dans un pays, il est injuste. Donc il a fait de l'injustice, donc il est kafir. Est-ce que l'injustice est nécessairement kufr? Hein? Non. Parfois c'est un péché parmi les grands péchés. Donc il faut bien connaître la religion avant de faire des jugements sur les gens. Même celui qui utilise l'argument que le dirigeant il juge pas par la charia d'Allah, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est mécréant, parce que on a expliqué qu'il y a différentes catégories dans le fait de juger par autre que la loi d'Allah, et que si la personne elle reconnaît que la loi d'Allah c'est ce qui est obligatoire, ce qui est supérieur, mais qu'elle se détourne du jugement de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa passion ou par ses désirs ou par une faiblesse dans sa foi, parce qu'elle aime l'argent ou parce qu'elle a peur ou des choses comme ça, que ça dans ce cas-là c'est une forme de kufr asrar, un kufr d'un kufr, et que ça fait pas sortir de la religion. Donc ça c'est un point important à comprendre aussi, pour éviter donc de tomber dans ce genre d'erreur également, parce que sinon chaque musulman peut tomber dans le fait de juger par autre que la loi d'Allah dans une des choses qui lui arrive dans la vie de tous les jours. Il lui arrive quelque chose aujourd'hui, il sait le hadith que dans l'islam il ne doit pas faire ça ou il doit faire ça, mais lui étant donné que à ce moment-là il est faible dans sa foi, il suit sa passion, il juge par autre que le Coran, il juge par autre que le verset ou par autre que le hadith dans cette circonstance-là, est-ce qu'il devient kafir? Non, pas nécessairement, tu vois. S'il rejette le verbe, s'il rejette la preuve qui est dans le Coran, dans la Sunna, là dans ce cas-là, il peut sortir de la foi. Subhanallah. Il y a une grosse tempête là dehors. Subhanallah. En fait, c'est comme par exemple, moi je te donne un exemple, ok? Il y a des musulmans ignorants, connaissent pas leur religion, et puis ils viennent ici au Canada, et puis ils disent à leur fille ou à leur femme, je t'interdis de mettre le voile. Si tu mets le voile là, hein, ça y est, je te mets à la porte. Il y a plein de parents musulmans ignorants, qui ont peu de foi, qui connaissent pas les principes de l'islam, qui disent des choses comme ça. Est-ce que tu vas dire que tous ces parents-là sont des mécréants? Pas nécessairement. La même chose. Parce que le père est le dirigeant dans la maison. Tu vois? Donc le père de la famille, c'est lui le dirigeant dans sa maison. Donc est-ce qu'en interdisant qu'est-ce qui est obligatoire à sa famille, il devient nécessairement mécréant? Pas nécessairement. Donc ça se peut aussi que pour un dirigeant d'un pays, ça peut aussi être la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement mécréant. Ça se peut qu'il soit mécréant, mais ça se peut qu'il ne soit pas aussi. Tu comprends? Pour savoir ça, c'est les ulama qui vont déterminer ça. Tu vois? Parce que ça se peut qu'il est ignorant, ça se peut qu'il a eu des choubouhats, et ainsi de suite. Peut-être qu'il est. Peut-être qu'il suit sa passion, peut-être qu'on l'a payé pour qu'il dise ça, hein, ou des choses comme ça. Yani, Allahu a'lam. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter à faire ça. Quelqu'un, comme tu vois par exemple, un musulman, il a un commerce, un dépanneur. Il vend de la bière, Il engage un musulman pour travailler pour lui dans son dépanneur. Il dit, tu vends l'alcool et les cigarettes. Si tu veux pas, ben je te mets à la porte. Donc, est-ce que tu vas dire que ce propriétaire de dépanneur-là, il est mécréant parce qu'il ordonne de faire un péché aux gens? Il ordonne à son employé de désobéir à Allah. Donc, est-ce qu'il devient mécréant pour ça? Est-ce que le fait d'ordonner un péché ou d'interdire une obligation fait nécessairement sortir de l'islam? Pas nécessairement. Hein? Et ça, les ulama en ont parlé, ils ont clarifié, expliqué ça dans des fatwas et dans des livres. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui sont tombés dans le takfir, c'est souvent à cause qu'ils ont mal compris ces questions-là. Et qu'ils sont précipités à faire des verdicts. Et il faut toujours clarifier et répéter qu'il y a une différence entre le fait d'expliquer le verdict général et absolu, et le fait d'appliquer ce verdict-là sur un individu spécifique. Ça, c'est deux choses différentes. D'appliquer le verdict sur un individu spécifique, ça c'est une ijtihad. Et c'est pas ouvert à n'importe qui. Peut-être dans certains exemples, dans certaines choses qui sont connues et apparentes, comme quelqu'un qui dit « je crois pas en Allah » ou « je crois pas en le Coran », »,« je crois pas en la Sunna », ça, tu vas dire « est-ce qu'il est mécréant ou non ?» Il n'y a pas de doute que c'est un mécréant. Mais dans des choses qui sont plus spécifiques, plus détaillées, qui demandent plus de connaissances et de compréhension, quelqu'un ne doit pas se précipiter là-dedans. Il doit laisser ces choses-là aux hommes de science et aux savants de l'islam. Ensuite, le cheikh il dit « وَدَلِلُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فِي الْإِيمَانِ » En ce qui concerne les preuves que la foi elle augmente et elle diminue, parce qu'on a expliqué hier la définition de la foi, on a dit que c'était... Hassan, tu connais la définition de la foi, même si tu n'étais pas là hier, mais sûrement tu l'as déjà entendu dans un autre cours et que tu t'en souviens. Donc, si tu t'en souviens, tu peux nous donner cette définition, Inch'Allah. La définition de la foi, bien entendu, je dis selon la position de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, selon la définition des ulama de la religion. Na'am. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça, c'est pas permis. Ça, c'est pas permis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tadawaw wa la tatadawaw biharam. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cherchez à vous soigner en prenant un remède, mais ne prenez pas un remède qui est haram. C'est-à-dire, il a mentionné qu'on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qui est haram comme un remède. Comme par exemple, l'alcool. Le clairin, c'est de l'alcool. Donc, on n'a pas le droit de l'utiliser comme remède. Donc, il faut utiliser autre chose. Et là, donc, c'est pas permis de prendre de l'alcool comme médicament. Et là, Wallahu a'lam. Oui, ça c'est, disons, de quoi on s'expliquait, mais la définition de la foi selon Ahlus Sunnah, Ali il était là hier, il va nous donner un exemple. La parole de... Oui. Barakallahu fik. Donc ça c'est la définition de la foi selon Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Comme le frère Ali il nous l'a mentionné, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et une action avec le corps. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Ça, c'est la définition de la foi, selon le Coran et la Sunna, et la compréhension des Ahlus Sunna wal Jama'a. On a mentionné les preuves de la foi, et les piliers de la foi, et les branches de la foi. Maintenant, les preuves que la foi augmente et diminue. Il y en a plusieurs. Le Cheikh, il dit, « Amma dalilu ziyada, qawluhu ta'ala, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فدل على أن الإيمان يزيد بسماع القرآن. قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Donc, la preuve que la foi augmente, comme par exemple dans le verset 2, dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les croyants sont uniquement ceux qui, lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite ces versets, cela augmente leur foi. Donc ça, c'est la preuve que la foi, elle augmente. Hein? Et donc, en écoutant le Coran, la foi elle augmente. Ça c'est la preuve dans le Coran. Et le verset 124 dans Surat Tawbah, dans ce verset-là, il y a mention de cette preuve-là aussi. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque une sourate est révélée parmi eux, il y en a qui disent, lequel d'entre vous est-ce que celle-ci a fait augmenter la foi? En ce qui concerne ceux qui ont cru, alors elle a fait augmenter leur foi et ils s'en réjouissent. Ils s'en réjouissent. Donc ça c'est la preuve que la foi elle augmente en entendant le Coran. Le Cheikh il dit dalla ala anna al-iman yazid bi nuzul al-Quran wa sama'ihi wa tadabburihi kama fi qawlihi ta'ala wa ma ja'alna ashab an-nar illa mala'ika. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات والتصديق. Donc, qu'est-ce qu'on a mentionné comme verset jusqu'à maintenant? Ça prouve que la foi, elle augmente lorsque le Coran a été révélé aux croyants, ça augmentait leur foi, et ça augmente le fait de l'entendre, et le fait de le réciter et de réfléchir sur sa signification, ça aussi, ça fait augmenter la foi. Comme, qu'est-ce qui est mentionné dans Surat Al-Muddassir, le verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous n'avons fait des compagnons de l'enfer que des anges, c'est-à-dire les gardiens de l'enfer, sont des anges. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'ils sont 19 anges qui gardent l'enfer. Alors les gens de Quraysh se sont moqués, hein, ils ont dit, ah ça y est, s'ils sont 19 seulement, on va pouvoir les prendre puis les maîtriser. Hein. Et en fait ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des anges. Donc ils ne peuvent pas, ce sont très forts les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné leur nombre uniquement comme une épreuve, comme un test pour ceux qui ont mécru. Et pour que les gens du livre recherchent la certitude et pour que cela augmente les croyants en foi. Que cela augmente les croyants en foi. Donc ça c'est la preuve que la foi elle augmente. Elle augmente avec l'obéissance et elle augmente avec la reconnaissance et la foi. Hein, la croyance. En ce qui concerne la diminution de la foi, les preuves que la foi diminue, eh bien, elles sont nombreuses également. Le Cheikh il dit أما النقصان فإن كل شيء يزيد فإنه ينقص فكل شيء قابل للزيادة فإنه قابل للنقص وهذا من ناحية ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون على وزن حبة من خردل في القلب وكذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون أقرب إلى الكفر وفي قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فدل على أن الإيمان يضعف أي ينقص والإيمان إذن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne la diminution de la foi, les preuves de ça, c'est que premièrement une preuve logique que le cheikh mentionne, une preuve rationnelle, que toute chose qui augmente, elle diminue. Toute chose qui accepte d'augmenter, elle peut également diminuer. Ça, c'est d'un point de vue. D'un autre point de vue, il y a des preuves de ça dans les hadiths et dans le Coran. Parmi les preuves, le verset, ou bien plutôt le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah va dire au jour de la résurrection, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Sa'id ibn al-Khudri, donc il y a là-dedans la preuve que déjà Allah il parle, hein, et que c'est une de ses attributs, parce que Allah va dire au jour de la résurrection, faites sortir de l'enfer toute personne qui a dans son cœur le poids d'une atome, hein, ou bien le poids d'une graine de moutarde de foie. Hein, en voulant dire quelque chose de très petit, une petite quantité de foi dans son cœur. Ça veut dire que la foi, elle peut augmenter et elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne comme la graine d'une moutarde. Et tant que quelqu'un il a même cette petite quantité d'une graine de moutarde dans son cœur, il va sortir de l'enfer. C'est-à-dire qu'il n'a pas commis de shirk et de kufr, il est, tant qu'il est musulman. Il va sortir de l'enfer. Donc ça, c'est la preuve que la foi, elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle soit même le poids d'une graine de moutarde dans le cœur. De même que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 167, dans Surat Al-Imran, ils sont plus proches, ce jour-là, ils étaient plus proches de la mécréance que de la foi. Ça, c'est la preuve que la foi, elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle soit plus proche du kufr. Hein? Et il y a un autre exemple que le cheikh il mentionne, le hadith qui dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main, et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par sa langue, et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par son cœur, et ça, c'est le plus faible niveau de la foi. » Ça prouve que la foi, elle s'affaiblit. Elle diminue. Hein? Donc, elle augmente avec l'obéissance, elle diminue avec le péché. Et il y a aussi d'autres savants qui ont mentionné aussi le hadith de, yani, que dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yani, à propos des femmes en disant qu'elles sont naqisatu aqlin wa din, qu'elles sont déficientes ou qu'elles ont une faiblesse dans la foi et dans la raison. Et quand on a posé la question au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de sa faiblesse dans la religion, il a dit, n'est-ce pas que lorsque elles ont leurs règles, elles ne font pas la prière, hein? Donc ça, c'est la faiblesse dans leur religion. Donc ça, c'est la preuve que le fait que tu fasses moins d'obéissance, ta foi diminue, ta religion diminue. Hein? Donc ça c'est une preuve à ce sujet-là. قوله واركانه ستة أي دعائمه التي يقوم عليها ويفقد بفقدها أو بفقد واحد منها ستة أركان وهي. Donc le cheikh maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va énumérer les différents piliers de la foi et les détailler, les expliquer en détail. Et donc, d'ici à la fin du cours, il ne reste pas beaucoup, donc on va expliquer la foi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La foi en Allah et la foi en les anges. On n'aura pas le temps de faire plus que ça. Donc, le cheikh, il explique que les piliers de la foi sont de 6. أركانه ستة ودعائمه التي يقوم عليها أي دعائمه التي يقوم عليها. Donc c'est-à-dire les bases sur lesquelles cette religion-là se tient, et que si tu la perds, tu perds ta religion, ou si tu perds un de ces piliers-là, tu perds ta religion, sont de six piliers. Le premier, c'est la foi en Allah. Al-awwal an tu'mina billah. Fal-rukn al-awwal huwa al-iman billah. Wa yashmal anwa' at-tawhid al-thalatha. Al-iman billah. Al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala wahidun ahad fardun samad la sharika lahu fi rububiyyatihi wala fi uluhiyyatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi. Donc la foi en Allah, c'est, ça comprend toutes ces choses là qu'on a mentionnées, c'est-à-dire que c'est le premier pilier que c'est le premier pilier de la foi et que c'est de croire en Allah. Et ça comprend quoi? Ça comprend les trois catégories de tawhid. Les trois catégories de tawhid. Donc, de croire en Allah, qu'il est unique, qu'il est seul, qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Donc, qu'il est seul dans sa souveraineté et dans son autorité, dans sa création. Il n'a pas de partenaire là-dedans. Qu'il est unique dans son adoration et que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et qu'il est unique dans ses noms et dans ses attributs. D'accord? Ça, c'est les trois catégories de tawhid. Donc la foi en Allah, ça implique ces trois catégories de tawhid là. La foi en les anges, al-thani, al-imanu bil malaika. والملائكة جمع ملك وأصله من ملأك أو ملأك ثم سهل وقيل ملك والملائكة خلق من خلق الله في عالم الغيب خلقهم الله لعبادته ولتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى في ملكه وهم أصناف كل صنف له عمل موكل به ويقوم به لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فمنهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام وهو أشرف الملائكة وهو الروح الأمين شديد القوى. Donc le deuxième pilier, c'est la foi en les anges. Les anges, c'est en arabe, al-malaika. C'est le pluriel de malaika, c'est malak. Et à la base, c'était malak, ou malak. Et on l'a facilité. On a enlevé le hamza pour le rendre plus facile. On a dit malak à la place. Al-malaika, c'est une créature parmi les créatures d'Allah qui font partie du monde de l'invisible. Et Allah les a créés pour qu'ils l'adorent. Il les a créés pour l'adoration et pour exécuter ses ordres dans son royaume. Mais bien entendu, il nous a créés nous aussi pour qu'on l'adore, les hommes et les djinns. Sauf qu'il y a une différence entre les hommes, les djinns et les anges. C'est que les anges, eux, ils ne peuvent pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah ne leur a pas donné la capacité et la volonté de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux créatures parmi les djinns et les êtres humains qui ont la capacité et la volonté de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala par la permission d'Allah. Donc, ça c'est à propos des anges, qu'ils sont créés pour adorer Allah et pour exécuter ses ordres dans son royaume. Et ils sont de différentes catégories, les anges, différentes catégories, et chaque catégorie, ils ont des tâches qui leur sont attribués et qu'ils doivent exécuter. Et ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces ordres-là. Et ils font ce qu'ils sont ordonnés de faire. Parmi ces anges, il y en a qui sont ordonnés de transmettre la révélation, comme Jibril, alayhi salam. Et c'est le plus noble de tous les anges. Et on l'appelle Ar-Ruh Al-Amin, l'esprit fiable et saint, qui a une force, qui a une grande force, shadidul quwa. Wa minhum من هو موكل بحمل العرش الذين يحملون العرش ومن حوله. وقال تعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش هو أعظم المخلوقات ولا يعلم عظمه إلا الله عز وجل، يحمله الملائكة، وهذا دليل على عظم الملائكة وعظم قواهم وخلقهم. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. Donc le cheikh il explique que parmi les anges il y en a qui sont chargés de tenir le de soutenir le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les anges il y en a qui ont comme responsabilité, comme charge de soutenir ou de porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset 7 surat Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui portent le trône et ceux qui sont autour. Donc ça c'est la preuve que il y a des anges qui portent le trône. Et وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Ça c'est le verset 17 dans surat Al-Haqqa. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset là et ce jour là il y aura 8 anges qui vont porter le trône de ton Seigneur. Le trône, c'est la plus grande de toutes les créatures. Il n'y a pas une créature dans les créatures d'Allah qui est plus grande que le trône. Le trône, il dépasse le ciel et la terre et yani, les sept cieux au complet. Donc c'est la plus grande de toutes les créatures. Et bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône. Il est au-dessus de son trône et les anges supportent le trône, c'est eux qui tiennent le trône. Ça, ça montre leur force, leur grandeur. Donc, personne ne connaît la grandeur du trône excepté Allah, et les anges le portent, et ça, c'est une preuve de la grandeur des anges et de la force des anges. Et de leur grandeur aussi des anges. Toutefois, il ne faut pas s'imaginer que les anges supportent le trône et que le trône supporte Allah. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui supporte le trône et c'est lui qui supporte toute la création, les cieux et la terre et tout ce qui est dedans. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin du trône, c'est le trône qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il s'est décrit lui-même, au-dessus, il est au-dessus de son trône. Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. Le très miséricordieux, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Ça c'est la aqida d'Ahlus Sunna wal Jama'a au sujet de cet attribut-là. Donc il faut l'affirmer et il faut y croire. Ensuite, le cheikh il explique que les anges, ils ont aussi de nombreuses ailes, des ailes. Le verset 1 dans surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi fatir as-samawati wal-ard ja'il al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. OK, donc on va répondre à ça avec les explications que le cheikh il mentionne ici. Il dit dans le verset 1 dans surat Fatir, louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Il a fait des anges, des messagers, dont certains ont deux ailes, deux paires d'ailes, trois ou quatre. Et il augmente dans sa création comme il veut. Ok, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente dans sa création comme il veut. Donc il y a, comme le cheikh dit, « فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ سِتُّ مِيَتْ جَنَاحِ كَجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَلَا يَعْلَمُ عِظَمَ خِلْقَتِهِمْ إِلَّا اللَّهِ سبحانه وتعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. C'est-à-dire que parmi les anges il y en a même qui peuvent aller jusqu'à 600 ailes. Allah dit dans le verset dans surat Fatir يزيد في خلقه ما يشاء. C'est-à-dire il augmente dans sa création ce qu'il veut. Donc même s'il dit dans le verset مثنى وثلاثة ورباع, deux ou trois ou quatre, eh bien, ça veut dire qu'il augmente dans sa création comme il veut. C'est-à-dire, il y a Djibril, par exemple, Djibril, il a 600 ailes. 600. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Djibril, alayhi salam, il a 600 ailes, avec un aile, il couvre l'horizon au complet de la terre. Avec un aile, il couvre l'horizon au complet de la terre. Donc, imaginez la grandeur de Djibril, alayhi salam. Et comme le frère, il a posé la question, il a dit, Djibril, des fois, quand il venait sous l'apparence d'un homme. Hein? Il venait sous l'apparence d'un homme. Parce que l'homme ne peut pas supporter de voir l'ange dans son apparence naturelle d'ange. Hein? Puisque l'ange, il est tellement grand, hein, tellement fort, hein, l'être humain, il est apeuré par ça. Et ça ne prend pas grand-chose pour faire peur à un être humain. Hein? Pas besoin de ramener quelque chose de... Depuis que il voit que, l'être humain, depuis qu'il voit quelque chose qui sort de l'ordinaire, ou des choses qu'il n'est pas habitué de voir, même si ce n'est pas une chose qui est dans le rêve, hein, de l'invisible, même quelque chose qui est dans, qu'est-ce qui est visible, même un animal ou un insecte qu'il n'a jamais vu, il le voit, il a peur. Hein? Yani, subhanallah, tu vas voir, par exemple, tu vas aller dans un autre pays où il y a des insectes, les enfants, ils les prennent, ils les tuent avec leurs sandales. Un adulte qui vient d'un autre pays, il va voir cette même insecte-là, il voit elle est tellement grosse, il va avoir peur, il va courir. Alors que les enfants de ce pays-là, eux, ils jouent avec, ou bien ils les tuent avec leur claquette ou leurs sandales, parce qu'ils n'ont pas peur de ça du tout, ils sont habitués de les voir. Donc si c'est le cas pour des insectes ou des choses vivantes qu'on connaît dans cette dunya, imaginez les choses qu'on ne peut pas voir, hein, dans cette dunya. Ça, c'est encore plus épeurant pour l'homme. Donc il ne peut pas supporter ça. Non, c'est pas le seul ange parmi les anges qui peut prendre la forme humaine. Et la preuve de ça, c'est l'exemple dans le Coran des anges qui sont apparus à Ibrahim et à d'autres prophètes aussi qui avaient la forme humaine. Les anges qui sont apparus à Lot aussi, et ainsi de suite. Non, dans Surat al-Zariyat et dans d'autres versets qui ont pris des formes humaines pour apparaître à des prophètes. Donc ça c'est des exemples. Et le hadith de Djibril, quand il est venu aux Sahaba, ça c'est la preuve aussi. Il est venu, ils ont dit c'était un homme, il avait les cheveux d'un noir foncé, très clair, très, très noir, et un vêtement blanc, très blanc. Il n'y avait aucune trace de voyage sur lui. Et nul d'entre nous ne le connaissait. Donc c'est la preuve que il avait, c'est à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu sais qui c'était? Et Omar a dit, Allah et son messager c'est mieux. Il a dit, c'était Djibril. Il est venu pour vous enseigner votre religion. Donc c'est la preuve que il prend la forme humaine s'il veut. Donc, personne ne peut connaître la grandeur des anges excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 26 et 27 dans Surat al-Anbiya. Dans le verset 26 et 27, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes ce sont des anges, des serviteurs nobles, ibadun mukramun. Ils ne le devancent jamais par la parole et ils agissent selon ses ordres, selon son commandement. Donc ça c'est la nature des anges. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُ بِالْقَطْرِ وَالنَّبَاتِ وَهُوَ مِكَائِيلُ. Parmi les anges, il y en a qui sont chargés de s'occuper de la goutte d'eau et de la plante qui pousse. Et ça c'est Mikaïl, la goutte de pluie et la pousse des plantes. وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ مُوَكَّلٌ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ وَهُوَ إِسْرَافِيلُ ينفخ في الصور فيهلك كل شيء. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الشيخ يقول ثم نفخ فيه مرة ثانية فتطير الأرواح في أجسادها، تطير الأرواح من القرن وهو السور إلى أجسادها وتدخل فيها فيحيون بإذن الله ثم يسيرون إلى المحشر. Le Cheikh il dit que il y a des anges qui sont chargés de souffler dans le clairon au jour de la résurrection. Ça, c'est un ange que Allah a créé qui s'appelle Israfil. Et lui, depuis le jour que Allah l'a créé jusqu'à la fin du temps, il est comme ça. Hein, ben là, c'est pour vous dire qu'il attend juste le moment que Allah lui ordonne pour qu'il souffle. Hein, pour qu'il souffle dans le clairon. Il fait juste attendre l'ordre, le commandement d'Allah. Imaginez, il est créé que pour ça, pour rien d'autre. Hein? Subhanallah. Donc il attend patiemment le moment où Allah va lui ordonner de le faire. Et lorsqu'il va souffler dans le clairon, tout va être détruit. Tout va être détruit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Az-Zumar, verset 68, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Donc, tous les êtres dans les cieux et sur la terre vont être foudroyés, excepté celui qu'Allah a voulu. Puis il va souffler une deuxième fois et les âmes vont retourner dans leur corps. Les âmes des êtres vivants vont retourner dans leur corps et ils vont être debout et ils vont regarder. Ils vont être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont regarder hein, lorsque le jugement va venir. Ça c'est au sujet de Israfil. Les anges vont sortir de ce clairon, il va les souffler, elles vont s'envoler jusqu'à leur corps respectif et ils vont revenir à la vie par la permission d'Allah, puis ils vont tous se précipiter vers le lieu de rassemblement pour le jour de la résurrection. ومنهم من هو موكل بقبض الارواح عند نهايه اجالها وهو ملك الموت قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ومعه اعوان من الملائكه توفته رسلنا وهم لا يفرطون يعني اعوان ملك الموت. Parmi les anges, il y a également l'ange de la mort qui est chargé d'attraper les âmes lorsqu'elles arrivent à la fin de leur vie. Lorsque les hommes arrivent à la fin de leur vie, l'ange de la mort est chargé de venir prendre l'âme de ces personnes. Pardon? Son nom, il n'est pas mentionné. C'est l'ange de la mort. Il n'y a pas un nom spécifique. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les anges qui ont un nom spécifique qui est mentionné dans la révélation. Certains anges, Allah nous a mentionné son nom, ou bien dans les hadiths authentiques. Il y a d'autres anges dont on ne connaît pas le nom, parce que ce n'est pas mentionné. Et il y en a parfois déjà qui ont inventé des noms pour certains anges, ou bien qui ont ramené des noms qui ne sont pas mentionnés dans les preuves authentiques, et qui attribuent ces noms-là aux anges. Donc ça, il faut faire attention, c'est pas correct. Aussi, il y en a même, Allah al-Musta'an, ils utilisent des noms parfois, par exemple chez les soufis, vous allez trouver que dans leur livre, ils mentionnent des noms d'anges. On n'a jamais entendu ces noms-là, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans aucune preuve des textes de la révélation. Et souvent, comme les ulama ont dit, c'est des noms de djinns. Et eux, ils les invoquent. Hein, ils les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font croire aux gens que ce sont des anges alors que ce sont des shayatins. Hein, donc c'est ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 11 dans surat As-Sajda, dit c'est l'ange de la mort qui a été chargé hein, de prendre votre âme, qui va venir pour la prendre et vous allez retourner vers votre Seigneur. Et l'ange de la mort, il a des anges qui l'aident. L'ange de la mort, il y a d'autres anges avec lui qui l'aident à prendre les âmes. La preuve, c'est dans le verset 61. Suratul An'am. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, Tawaffathu rusuluna, wa hum la yufarritun. Tawaffathu rusuluna. Ça veut dire, nos messagers viennent prendre son âme. Hein? Viennent prendre son âme, et ils ne sont pas négligents. Hein? Ils font leur travail à la perfection. On dit l'ange de la mort au singulier, puis avec lui il y a d'autres anges qui l'aident. Ouais. Je sais pas. Allahu a'lam. Après il dit wa minhum man huwa muwakkalun bil ajniha bil ajna wa minhum man huwa muwakkalun bil ajnati fil arham. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. الحديث. Il y a d'autres anges qui sont chargés des fœtus dans le ventre de la mère, et donc eux ils viennent pour souffler l'âme de ce bébé-là, dans son corps, dans le ventre de sa mère. D'accord? Et il mentionne la preuve de ça dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que l'un de vous, Allah subhanahu wa ta'ala, rassemble sa création dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous la forme d'une nutfa, puis il est 40 jours sous la forme d'une alaqa, puis il est 40 jours sous la forme d'une mudra. Puis ensuite, Allah lui envoie l'ange et il insuffle l'âme en son corps. Donc ça fait 4 mois. 40 jours, 3 fois 40, ça fait 120 jours. Donc c'est 3 mois. 4 mois, pardon, c'est 4 mois. 4 mois parce que chaque mois c'est 30 jours. Donc 4 fois 30, ça fait 120. Donc, après 4 mois, l'ange vient souffler l'âme dans le bébé, dans le ventre de sa mère. Après 4 mois. L'avortement, c'est haram. Mais après 4 mois, c'est encore plus grave. Après 4 mois, c'est plus grave. Parce que après 4 mois, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que là, il y a l'âme. L'avortement. Et non, l'avortement, c'est haram. Oui, ça, même un mois, c'est haram. Mais après 4 mois, c'est plus grave. Parce que là, le bébé, il a une âme. Hein? Et les ulama, ils ont permis de l'avortement seulement dans un cas, c'est le cas où ils ont dit avec certitude que ce bébé-là, il va, si la femme elle va accoucher, ça va la tuer, la mère. Hein? Donc dans ce cas-là, c'est permis. Allahu a'lam. Wa minhum al-mukaluna bihifzi a'mali bani Adam. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يلازمونكم بالليل والنهار. Donc parmi les anges, il y en a qui sont chargés de noter et d'enregistrer les actions des hommes, les actions des êtres humains, des fils d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans surat al-Infitar, le verset 10 et 11, qu'il y a des anges qui sont sur nous, qui sont des gardiens, qui sont des nobles scribes et qui écrivent ce que les hommes font. Hein? Et il y a d'autres versets aussi qui mentionnent ça. Et ils restent avec les hommes jour et nuit. قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ويشهدون للمصلين عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي يحضره الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Cheikh il mentionne le hadith du professeur Sallam qui dit que les anges, ils se font le relais. Les anges, ils se relaient. Les anges de la nuit, ils font le relais pour les anges du jour. Et les anges du jour, ils font le relais pour les anges de la nuit. Et ils se rejoignent, les deux, à la prière de Fajr, à l'aube, et à la prière de Asr, durant la journée. Et c'est là qu'ils font le changement. C'est là qu'ils font le relais. D'accord? Donc, à la prière de Fajr et Salat al-Fajr, ils viennent pour, disons, assister à la prière. Ils viennent pour assister à la prière. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda, c'est-à-dire la prière de Fajr elle est assistée des anges. Les anges viennent pour assister et voir et être témoins de la prière. Donc les anges du matin, les anges de la nuit et du jour sont ensemble à ce moment-là pour faire le relais. Qur'an al-Fajr, ça veut dire la prière de Fajr. Aynam. Salat al-Fajr. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis, on complétera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.